C'est bon de vous voir tous ici aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a déjà reçu quelques instructions pour méditer avant cette séance de ce soir? Alors, j'aimerais parler ce soir de la pratique dans notre vie. Il y a beaucoup d'exemples des Écritures où on voit que des laïcs pratiquent et qu'ils acquièrent soit l'illumination, qu'ils atteignent l'illumination, soit qu'ils acquièrent une sagesse importante, enfin, relativement importante. Et nous devrions comprendre que nous aussi, nous pouvons pratiquer et retirer des bénéfices de cette pratique, que l'on soit en mesure de pratiquer intensivement, comme par exemple pour les moines en Birmanie, la retraite des pluies, de la saison des pluies qui dure 3 mois, ou alors sur une base temporaire, que l'on pratique sur une base temporaire, là aussi on peut en retirer des bénéfices. Alors, je voudrais d'abord parler d'une histoire, celle d'une femme qui s'appelait Matika Mata. À l'époque, il y avait un groupe de 60 moines qui, comme à l'accoutumée, avaient reçu leurs instructions du Bouddha et qui s'en sont allés trouver un endroit où méditer. Et ils ont trouvé un village qui s'appelait Matika. Donc, Matika Mata, c'était la mère du chef du village, qui s'appelait aussi Matika, et quand elle a vu les moines arriver, elle leur a offert de la nourriture, et elle a fait construire un monastère, afin qu'ils puissent y passer la saison des pluies. Tous les jours, elle leur offrait de la nourriture. Alors les moines étaient décidés à pratiquer sérieusement, et donc ils s'étaient mis d'accord pour ne pas parler, pour rester seuls, et même ne pas se retrouver à deux en même temps, sauf en cas de besoin, s'il y avait des choses à régler. Ils s'étaient mis d'accord que, dans ce cas, ils frapperaient le tambour en bois. Un jour, Matika Mata se rendit à l'endroit où étaient les moines pour voir ce qu'ils faisaient, et elle a trouvé le lieu totalement silencieux. Elle n'a pas pu voir quiconque, et elle a pensé, mais sont-ils malades ou bien se sont-ils querellés? Elle ne savait pas, et elle se décida donc à frapper le tambour en bois. Donc, tous les moines se réunirent, et Matika Mata leur demanda au chef des moines, à l'aîné des moines, ce qu'il se passait, est-ce qu'ils étaient malades, est-ce qu'ils s'étaient querellés. Et celui-ci répondit, non, simplement on se dévoue pleinement à la pratique de la méditation, et on ne socialise pas. Ainsi, on peut en retirer un maximum de bénéfices. Alors elle demanda, est-ce que moi aussi je peux pratiquer, est-ce que les laïcs aussi peuvent pratiquer cette méditation? Et l'aîné des moines répondit, oui, bien sûr. Elle demanda à recevoir les instructions et il les lui donna. Alors il lui enseigna la pratique des 32 parties du corps. C'est une pratique qui est décrite dans le Mahasatipatthana Sutta et c'est une pratique qui concerne le corps. On l'enseigne souvent aux enfants quand ils sont ordonnés moines. On peut aussi l'enseigner sous forme simplifiée avec seulement 5 parties du corps au lieu de 32. Les cheveux, les poils, les ongles, les dents et la peau. Et il faut visualiser chacune de ces parties séparément. Séparément des autres et séparément du corps. Et donc, Matika Mata s'exerça à cette pratique. Alors, elle consacra son temps en partie à cuisiner pour les moines, et en partie, avec le temps qui lui restait, elle suivit cette pratique. Et comme elle pratiquait avec diligence, elle progressa rapidement et atteint les 3 premiers degrés de la connaissance du chemin, donc jusqu'au niveau de l'anagami, jusqu'au niveau du chemin et du fruit de l'anagami. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le dire simplement. Donc elle a retiré des grands bénéfices de cette pratique. D'une part, elle a purifié son esprit, d'autre part, elle a accru sa connaissance, et aussi elle a acquis des pouvoirs supranormaux, par exemple l'œil divin, qui lui permet de voir des choses très éloignées ou alors de voir des choses très très petites. ou voir derrière les murs, ou des choses qu'on ne voit pas avec l'œil ordinaire. Aussi l'oreille divine, qui lui permettait d'entendre des sons très très éloignés, par exemple dans un autre pays, etc., des choses qu'on n'entend pas normalement. Ça, c'était un peu un effet secondaire de sa méditation, mais le bénéfice principal, c'est la connaissance qu'elle en a retirée. Alors, elle a pensé, j'ai pu gagner tous ces bénéfices extraordinaires grâce à la pratique. Sûrement, les moines qui, eux, pratiquent à plein temps, ont atteint la libération complète. Et donc, elle utilisa son œil divin pour voir leur esprit, et à son grand étonnement, elle vit qu'aucun n'était même parvenu à développer la concentration. Alors elle investigua un peu plus loin avec son œil divin, et elle comprit que la cause de cette situation, c'était qu'il ne recevait pas la nourriture appropriée. Elle comprit donc que certains aimaient la nourriture sucrée, d'autres salées, d'autres épicées, d'autres amères, que chacun avait des goûts différents, et elle comprit qu'ils avaient besoin de la nourriture appropriée pour eux. Et donc elle se mit à cuisiner ce qu'ils attendaient, ce dont ils avaient besoin, et grâce à cela, les 60 moines ont été capables de développer leur concentration et d'atteindre les 4 stades de l'éveil, et ils sont devenus, à la fin de la saison des pluies, ils sont tous devenus arahat. Alors, on peut comprendre de cette histoire que la pratique de la méditation peut nous bénéficier, que l'on ait beaucoup de temps à lui consacrer ou peu de temps, et donc nous devrions traiter le temps à notre disposition comme quelque chose de très valable, de grande valeur. Donc évidemment, ça aide d'aller en retraite, parce que là, il y a un environnement qui offre un soutien à la pratique. Ça aide aussi de venir en groupe, comme aujourd'hui, ça offre aussi un soutien à la pratique. Mais le temps que l'on passe à la maison ou au travail est aussi important, et il faut l'utiliser. Donc, prendre les préceptes, ça sert de base à la concentration, ça procure une stabilité de l'esprit, et cette stabilité de l'esprit, à son tour, permettra de développer la sagesse. Je vais d'abord parler de la pratique, et ensuite je vais expliquer la façon dont on peut pratiquer à la maison. Donc Mahasi Sayadaw a dit que chacun devrait pratiquer quelques heures par jour. Et il devrait trouver un lieu où il ne sera pas dérangé et se mettre à la pratique une fois cette tâche ménagère terminée. Alors Mahasi Sayadaw, on lui avait été approché et on lui a demandé de donner un speech à la radio qui ne dure pas plus de 15 minutes et qui permette à tout un chacun, quel que soit son niveau d'éducation ou sa place dans la société, puisse le comprendre. Et donc, il a commencé par résumer la pratique par ces mots, Sato Sampajano Viraheya, ce qui signifie qu'il faut être attentif et qu'il faut comprendre clairement. Il faut rester attentif et comprendre clairement. Alors, à quoi devons-nous prêter attention? Qu'est-ce que nous devons comprendre pleinement? Il y a 6 types d'objets qui apparaissent aussi portes sensorielles. Les vues, les sons, les odeurs, les goûts, les touchés, et les pensées, les imaginations, etc. Le Bouddha nous a donc instruit à être conscient de ces objets, par exemple lorsqu'un objet visuel apparaît, de placer notre attention au niveau de la porte de l'œil, de la porte sensorielle de l'œil, et de noter voir. Lorsqu'un son apparaît, placer notre attention au niveau de l'oreille, noter entendre. Lorsqu'un goût apparaît, pardon, lorsqu'une odeur apparaît, placez notre attention au niveau du nez, notez, sentir, sentir. Lorsqu'un goût apparaît, placez notre attention au niveau de la langue, notez, goûter, goûter. Alors, en ce qui concerne le toucher, celui-ci peut être ressenti partout sur le corps, ou presque partout sur le corps, tous les endroits où il y a de l'humidité. Seuls les ongles et les cheveux ne ressentent rien parce qu'ils sont secs. Et c'est aussi, on peut ressentir des choses à l'extérieur du corps et à l'intérieur du corps. Donc le toucher est très vaste. Quasiment toutes les parties du corps sont capables de ressentir un toucher. Et aussi, le toucher peut être ressenti à chaque fois que nous accomplissons une action. Par exemple, lorsque nous plions le bras ou que nous le tendons, lorsque nous levons, lorsque nous nous asseyons, nous nous couchons, lorsque nous observons le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, à tous ces moments, on peut connaître ces actions comme un toucher. Et enfin, le sixième organe sensoriel, c'est la mentale, donc la pensée, les imaginations, les planifications, etc. Donc, une partie des instructions, c'est donc d'être attentif aux activités, aux actions que l'on accomplit, et il y a moyen de le faire dans la vie quotidienne. Par exemple, lorsqu'on accomplit certaines actions d'une façon particulière, en décidant d'être particulièrement attentif, de faire particulièrement attention. Pour prendre un exemple, par exemple, lorsqu'on balaye le sol, et donc, ou alors par exemple s'il y a un corridor, un couloir qu'on doit emprunter régulièrement, tous les jours, on peut décider d'être particulièrement attentif à ce moment-là, et donc de développer l'attention ailleurs que dans la méditation assise ou en marche formelle. On peut prendre la décision, par exemple, d'être attentif à chaque pas qu'on va accomplir. Et de cette façon, on va aussi se souvenir que l'on doit être attentif dans la vie quotidienne, de façon un peu automatique. On peut aussi le faire, par exemple, lorsqu'on s'assied à son bureau. Donc, il y a une autre façon d'amener, disons, l'attention dans la vie quotidienne, c'est de diviser toutes les tâches qu'on doit accomplir entre une phase de planification et une phase active où on accomplit la tâche physiquement. Par exemple, prendre la nourriture dans le frigo, couper les légumes, etc. Et donc, si on parvient à séparer ces deux phases, la phase de planification et la phase active, ce sera plus facile d'être attentif à la phase active. Donc ceci c'est la fin de mon Damato, mais ça y allait penser qu'on avait déjà pris les préceptes, mais j'avais dit que j'expliquerais qu'on prendrait les préceptes, mais on les a pas pris formellement. Donc d'habitude avant un Damato, on prend les préceptes. Donc on s'engage à observer les préceptes. Donc on va simplement réciter, on va écouter ça y aller, dire les préceptes en pali, on va répéter après elle, et puis on les dira nous en français.